Cafard sans phare, par Clarisse Andre. L'injustice, quel supplice! Le gâchis d'une vie depuis des décennies anéantie. Le bonheur n'est qu'un leurre. Pauvre ou nanti, ici-bas n'est pas le paradis. Juste un enfer, où certains n'ont plus rien à faire qu'à souffrir, se taire, ou braire. Les mots y sont chaos. Partir, s'enfuir, sortir du chaos. À cette heure, impossible de réagir, de rebondir. Sinistre messager ailé, de la poisse les alliés zélés, les corbeaux aux yeux bistres croassent, mes angoisses alors croissent. Du danger sonne l'alarme, mais le cœur au bord des larmes, les mots à l'âme, je baisse les armes. Oublier des cieux capricieux, abandonner des songes, mon frein, je ronge. Pas de vœux pieux ou vain mensonge, je jette l'éponge, et dans l'onde sombre je plonge. Plus de courage. Juste la rage de briser ma cage, de tourner la page. Nul caprice ou vain tapage, même si, en proie aux vices et sévices, l'idée du trépas entre en lice. Pas de fatal naufrage, juste du létal désespoir, toujours dans les parages. Ce soir, un petit mais noir dérapage. Clarisse Andre, le 1er mai 2023.